Exercice 6, page 72. A. J'adore les carottes. B. Ils peuvent rentrer seuls. C. Il est mort de peur. D. C'est un porte-bonheur. E. Ils en veulent encore. F. Ce gamin pleure fort.